Lainine, nous sommes la veille de mon anniversaire. Et ça s'est très bien, très, très bien passé. Vanani, ah, mon doux Seigneur. Quel âge ai-je, Lainine? Ma chérie d'amour, tu sais pas mon âge. Ma petite coquine, oh, tu penses que je fais. Ah, non, j'ai un an de plus au compteur comme tout le monde. Oh, je passe pas. Non, je passe pas tout droit. Même si c'est moi l'animateur d'errance rénaldienne. Oh, quel âge ai-je? OK, bon. Avant de commencer l'émission, c'est vrai que c'était. Bon, on va arrêter, là, les confettis. C'est les confettis, car je dois les ramasser. Par terre. Quoique je suis en pleine forme, hein, je peux me pencher, me relever, sauter, faire le cabochon. Mon ancienne copine m'a toujours traité de cabochon. T'es un cabochon. Ah, merci. Là, je l'embrassais partout. Elle dit, décolle, décolle, décolle, papier gommé. Gommé, t'es un gommé? Non, un gagné. Rénal Gagné, c'est moi, Rénal Gagné. Bon, OK. La première heure ce soir, c'est je vais mettre deux artistes que j'adore sur la sellette, pour ne pas dire le ring de boxe, mais ça frappera pas très fort. Non, non, non. Oui, au niveau musical, au niveau sonore, au niveau des paroles, au niveau artistique, ça risque pas, ça ira très loin. Alors, du côté gauche, alors la première chanson que vous allez entendre, c'est de Nicolas. Voyons donc, Nicolas, excuse-moi. Ah, oh, je massacre ton nom, Nicolas Pogam. Alors, Nicolas Pogam vient de sortir un nouvel opus qui s'intitule La Ballade Sauvage. La Ballade Sauvage, un album extraordinaire qui est sorti au mois de, si je ne m'abuse, au mois d'avril, mi-avril. Et ensuite, un vieux disque de Urbain Desbois, un auteur, compositeur, interprète, poète québécois. C'est son disque très rigolo. Son premier opus, je crois, qui s'appelle Ma maison travaille plus que moi. En 2000, oui, c'est tellement vrai, ça a été en 2024, en 2094, mais ils l'ont placé sur CD en 2000. Parce qu'en 1994, je dis en 2000, en 1900, je parle très vite, je le sais, en 1994, c'était en vinyle. Puis en 2000, ils ont décidé de le mettre en CD. Donc, nous allons entendre par la suite, hein, tout au long de l'émission, une chanson de mon ami Nicolas Pagam. Et ensuite, une chanson suivie d'une chanson de Urbain Desbois. C'est quand même bon comme idée, hein? Et ça sera présenté. On va commencer par aujourd'hui, là, mais sans doute la semaine prochaine. Dépendant de vos. Hein, si vous avez aimé ça. C'est vous qui décidez. Alors, écrivez-moi à Rénal Québec, RAYNALDQUEBEC, à commercial hotmail.com et je vais lire vos lettres avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt, vos courriers cybernétiques. Donc, on y va pour le générique, OK? Êtes-vous prêts? Oui, je sais. Hier encore, c'était mon anniversaire. Je me souviens d'un bal attendu et toi qui me regardais avec un large sourire. Je ne savais plus à qui sur qui me tenir. J'ai marché devant les sentiers au goudronné sans jamais tomber. Et aujourd'hui, me voilà ici devant ce micro à quatre pattes. Non, ça rime pas. À quatre pattes, devant ce micro. Devant ce micro. Ah, rime avec O. Devant ce micro idiot qui ne sait pas me répondre. Me répondre, on dirait du Michel, pas Michel Gamache, du Michel, pas la la la, ta la, Michel Legrand. Et puis, non, Michel, c'est une blague. Il est décédé, je veux pas qu'il vienne me hanter cette nuit. Donc, je l'aime beaucoup, Michel. Oui, donc, c'est ça, Michel Legrand. Alors, le 3 juin 2024, monte le volume et hume la différence, mais on va le faire avec la version audio. Alors, c'est à toi, mon ami. Alors, l'Orchestre symphonique d'Errance rénaldienne, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui, le lundi 3 juin 2024. Monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mes amis. Alors, la première chanson, c'est mon ami. Qui? Voyons donc. Nicolas Pegam. Extrait de son nouvel album.

Bonsoir. Alors, on va faire une reconstitution. Hey, si on n'aime pas ça, alors on voudrait avoir un son de reconstitution. Ça, c'est la soirée. La soirée, OK? La soirée, OK? Oh, non, il y a le déco, ça, c'est la fin de la soirée. Comme ça, ici. 1, 2, 1, 2. Ah, ça, c'est quand même une belle soirée, là. Ah, la musique joue, là. Ah, est-ce qu'on peut mettre un petit peu de musique de bar? Suzanne? Ça, c'est pas une musique de bar, ça. C'est une musique de... meurtre et mystère. Je pense que ça sent le couteau qui va voler, qui va nous arriver dans le front. Là. Germaine, on n'aime pas ça, nous autres. Là. Le front est pas fait... Ben, le front populaire est populaire, mais le front de libération du Québec, c'est le front de libération du Québec. Puis le front national, ben, on sent... L'allergie, moi aussi. J'ai brûlé des machines, la cime de l'usine, les rouages de la politesse, l'horloge dans l'horloge. Ma maison. L'allergie, moi aussi, je peux. L'hiver, je peux moins. Ne t'en fais pas, ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. D'abord on dit rien, puis on se dit tout. On a peur du chien, on a peur du loup, et tout là-haut, et tout là-haut. Flottait ta chemise, ta jupe et tes bas. Ne t'en fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois. Quand je t'ai vu arriver, je t'ai enlacé, et comme tu m'as laissé, je me suis indigné, et comme je m'indignais, tu m'as expliqué, et comme je t'expliquais, je me relevais, et ne t'en fais pas, ne fais pas, c'est toujours comme ça, la première fois, la première fois. Hein, c'est pas le moment. Bon, OK, maman. Monsieur le Président, on va lâcher ça, le moment, parce qu'on dit souvent moment. Hein? Oh, on dit bien des mots trop souvent ici, oui. Monsieur le Président, monsieur les patrons, qu'est-ce que tu allais dire? Ben, rien. Je tente de lire comme un tenteux qui se détend. Oh, le tenteux se détend. Je me détends le tenteux. Oh! Détends-toi le tenteux, mon petit champion. Tu vas devenir plus relax. Oh, la relaxation sublirénale. Oh. Monsieur le Président, oui, c'est nous. Non, le Président, c'est nous. Oh, vous êtes plusieurs. Nous sommes plusieurs. Messieurs les patrons calotiques, hey, on a la calotique binaire, nous. Ah, mon Dieu. Hey, on voulait pas avant-hier. Il faisait noir, comme d'habitude, hein, comme tous les avant-hier. Il fait jamais clair, les avant-hier, hein? Les demain, c'est toujours trop éclairé. Mais les avant-hier, c'est sombre, on voit rien, c'est presque flou. Et plus c'est flou, plus on se balance à travers les flous du flou, du flou, du flou, du flou, du flou. Et plus il y a de feu et plus il y a de flou, plus il y a de... Boucan, plus il y a de boucan. Alors, à travers la boucan... On voit des formes, mais les formes sont pas toujours visibles, hein, sont souvent risibles, mais peu visibles. Alors, on doit tâtonner, même si on ne veut pas. On doit tâtonner, un peu comme nos églises qui aujourd'hui n'ont plus de lumière, car peu de moyens pour subvenir à cette grande structure que l'on appelle la maison. Alors on doit bien sûr couper dans le gras. Ça on n'aime pas ça couper parce que plus c'est dans le gras, plus c'est dans l'essentiel. Alors le gras c'est l'essentiel. Ben voyons donc. Si le gras n'est pas l'essentiel, que se veut d'autre que l'essentiel? Le gras c'est quelque chose qu'on peut enlever, oui, mais si on l'enlève, il reste plus grand-chose, hein. C'est comme le maigrelet. Plus c'est maigre, moins c'est intéressant, parce que ce qui fait la saveur lorsque tu manges un bon mets. Ouais, mais lâche le mets, là, puis le mets, la nourriture. Si le gras donne le goût. Pas de gras. La vie doit avoir du gras. Donne-moi du bon gras, ma Germaine, Jameson, même. Et puis, plus t'es grosse, là, plus je t'adore, là, ça en fait plus embrasser, là. Ça me fait penser, ça me fait réfléchir, là. Tu te souviens, lorsqu'on s'est mariés, là, il y a 25 ans? Oh, mon Dieu, j'essaie d'oublier. Non, oublie pas, il y a 25 ans. Je te trouvais belle. Je te trouvais fine. Je te trouvais intelligente. Puis aujourd'hui? Encore aujourd'hui, c'est ça, l'amour. On voit pas clair. On voit plus clair. Puis on veut pas s'éclairer. C'est comme l'Église qui a pas les moyens financiers de rester ouverte, là. On veut s'amouracher dans la pénombre et dans le sombre reflet de notre amour. Le sombre reflet de notre amour, c'est pas très valorisant. Ben oui! Plus il fait noir, plus on doit ouvrir des tiroirs pour nous aimer, pour se rappeler que nous étions beaux. Oh mon Dieu, il est fatigué ce soir. Là, je crois que on va lire les introductions sans trop l'amener dans les improvisations, parce que plus il y a improvisation, plus il y a... Est-ce que c'est ainsi que les intrigues s'enivrent? Ben pour le moment, l'intrigue, il n'y a pas. Enivrement, il n'y a pas. L'émission, elle ne lève pas. On va demander à la belle Rosamine Tremblay. Ça, c'est les feuilleuses du coin. Quand rien fonctionne, on dit « Rosamine! Rosamine, ma coquine! » Tu lèves le doigt hein, en frissonnant le pouce, l'index. Le pouce et l'index, parce que je me souviens plus de mes doigts, les noms des doigts, je les appelle pas souvent. Hein. Je dis pas bonjour le pouce, bonjour l'index, bonjour l'auriculaire. Oh, bonjour l'autre, c'est quoi? Pouce, index, majeur, l'auriculaire, le ça majeur. À l'école, ils apprennent ça, les petits-enfants, là. Les petits-enfants jouaient dans la prairie, profitez bien. Le doux parfum des fleurs, il y a le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Oh, je m'en souviens. Des jours et l'heure, tu verseras des pleurs. Alors donc, quand on frotte le pouce et l'index, hein, qu'on dit, oh, petite, comme quand t'appelles la brebis, là. Ben, c'est pas une brebis, c'est les feuilleuses. Ben oui. Brebis et feuilleuses, les deux m'excitent. Moi. Je sais pas si je vais prendre la brebis ou les feuilleuses, mais voyons d'art. Non, mais la brebis, là. C'est invitant, là. C'est doux, mais les feuilleuses, douce aussi, tout le monde, hein, ouais, donc la brebis puis les feuilleuses, calme-toi, monsieur le président, monsieur les pas trop catholiques, là, ils vont dire, il a fait plein d'histoires, là, puis il a même pas terminé, on devrait commencer des émissions avec des bouts d'improvisation, comme ça, ils pourraient enchaîner, c'est une idée. C'est une idée, mais on ne la garde pas. Oh! Monsieur le Président, messieurs les pas trop catholiques, comment ça on les garde pas? Ben, c'est une bonne idée, mais les bonnes idées ici, ça n'a pas leur place, ça n'a pas sa place, là. Ça n'a jamais eu sa place à cette émission-là, là. Ce qu'on veut faire ici, là, c'est des chaos radiophoniques. On veut déstructurer les idées. On veut amener l'auditeur, là, à un questionnement cérébral. Aïe, donc, cérébral! Aïe, donc! Minuit 28, cérébral. Les gens ont le cérébral dans le lait, puis... Non, j'ai pas dit sérénal. Non, pas sérénal, mais céréal. Céréal, sérénal. Oh, bon, doux Seigneur. Monsieur le Président, j'ai un petit morceau de... J'ai mangé avant l'émission, et c'est un petit morceau de quoi? De mangeage. Un petit morceau de mangeage dans le fond de la gorge. Mange-moi ça. Ben là, c'est dur de mâcher dans le fond de la gorge. Hein? Je fais comme le chien. T'es-tu en train d'étouffer? Non. Non, non, non, je fais semblant d'étouffer. Les gens vont venir, ils vont me sauver. Pas, ils vont te laisser échouer, échouer. Ils vont te laisser sécher. Oh, mon Dieu. Quoique un rénal séché, ça peut être bon, hein? Ben là, on va l'essayer. Pouvez-vous vous étaler sur votre long? Mon large, oh, votre large. Allons-y donc. OK, alors on s'étale maintenant. Est-ce que c'est radiophonique, s'étaler? Ah, tout est radiophonique. Ça dépend de la personne qui va raconter le fait. Alors maintenant, on voit les rangs rénaldiens qui tentent de s'étaler, mais ses poids excédentaires et surtout ses mains qui sont malheureusement pas assez musclées pour le cerveau qu'il a, parce qu'il faut quand même, il force. Nous voyons qu'il force, il est rouge, c'est-il. On se demande s'il est dans la famille du homard, au contraire du mammifère. Êtes-vous un mammifère? On n'ose même pas lui dire. Il ne respire plus. C'est merveilleux. Tout est beau. Du rouge au bleu. Du beau rouge au bleu. Du bleu au rouge au bleu. Le rouge au bleu. Le bleu au rouge. Il est rouge. Le bleu, le rouge, le bleu s'installe. Et c'est peut-être la fin de l'errant. L'errant, oui, un, deux, trois. Non, il revit. Il est fait de plusieurs existences, ce maître à penser d'une société en voie de disparition. Qu'est-il devenu? Oh! J'ai pincé les cordes, percé les tuiles, porté chevrons. J'ai prêté mes mains pour des fagots.

tam, tam. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'oncle Buck. Là, je suis en train de brasser l'encre. Ah, arrête de brasser l'encre, on dirait. J'ai un petit mal de cœur. Ça va t'empêcher de Madame Pépi. Non, Madame Pépi n'est plus là. J'espère qu'ils l'ont pas congédié. Congédié pas Madame Pépi, c'est son travail, elle, là, là. Si elle sait pas compter, c'est pas de sa faute, hein. Puis elle sait compter quand je lui donne 2 francs, 2 euros. Elle me laisse passer. Mais quand il faut passer au Pépi, mais là... Elle est pas monétairement assez comptée, mais temporellement, là, chronologiquement, elle sait pas comptée. C'est enfin. Compte pas sur moi. Stand by me. Oh, oh, oh, stand by me. Oh, oh, oh, stand. Stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. Oh, oh, oh, oh, stand. By me. Hein? Hein? Ok, alors, lâche-moi ça, là, l'autre qui se demande le radio. Alors, donc, la phrase, c'est quelle émission d'incroyables personnages qui viennent s'animer aujourd'hui, ce soir, en ce 27 mai. 27 mai, là, ça sent... Ça sent l'anniversaire de l'animateur d'Errance Rénaldienne. Hein? C'est quand son anniversaire? 2 juin. 2 juin? 2 juin. Nous sommes là? Le 27 mai. 2 juin? 2 juin. Oh! Allons, le 2 juin, qu'allons-nous faire? Rien! OK. Alors là, on le titre. C'est méchant, ça, rien. Sinon, on veut faire quelque chose. Si on veut le réunir pour l'épater... pour l'épater, là, épater, et pour lui, l'épater, là, amène-lui des lapépétitiennes, ça va l'épater. Alors, tu balances ton gag, mec. Ben, il n'y a pas de gag, là. Lâche l'écho parce que les gens n'ont pas entendu. Alors, tu balances ton gag, mec. Alors, le mec balance le titre, et il balancera le gag si gag il y a, là. Hein. On ne sort pas d'ici vivant. Ticu Baudouin bouche la sortie. Ticur Germain regarde s'il y a des gens qui se flanquent. Non, c'est qui se planque. Ah, c'est l'Islande. L'Irlande, là, cache l'URSS. Amène la vodka. Bon. La plus jolie fille de la ville. Le titre, c'est pas le titre. Oh non, on a moffé l'introduction. C'est pas important, c'est pas grave. On s'en souvient plus. Ben oui, mais les gens se souviennent de ce que je viens de dire. Non, ben voyons donc. Hey, crois-tu sincèrement que le mot que tu viens de d'élancer dans cette bouche, qui est très, très, très sombre et surtout très, très inaudible. Inaudible, on comprend pas ce que tu veux dire. Ben voyons, comment ça? Ben ça, premièrement, comment ça? On le sait pas. Puis regarde, ça va faire oublier bien des choses. Première phrase. De sexe. De ses 5 sœurs. De ses 5 sœurs. 5 sœurs, c'est 100 sœurs. De ses 100 sœurs, 5 sœurs. 5 sœurs. Combien sont ces 6 ou ces 6? Ces 6 ou ces 6 sont 5 sœurs. Au monde où 5 sœurs. 1 sœur, 2 sœurs, 3 sœurs. 3 sœurs baladées. 3 sœurs une fois, 2 sœurs, 3 fois, 3 sœurs vendues. On les vend comment? Ah, ils sont pas vendus, là, ils sont pas vendables. Oh mon Dieu. Les 5 sœurs. Non, c'est pas les 5 sœurs, mais c'est le 100 sœurs. Alors, sens. Donne un sens à cette improvisation. Alors, dans. La vie donne un sens à cette improvisation pour qu'elle puisse cartonner. De ses 5 sœurs, Cass était la plus jeune. Et surtout, la plus jolie. Jean-Marc? Là, le monsieur, là... Non, c'est pas le monsieur, c'est Rénal. Rénal. Bonjour, Rénal. Bonjour, Rénal. Bonjour, Rénal. Ben voyons donc, bonjour, Rénal. Il répond pas. Ben non, parce que là, c'est pas le... Est-ce que c'est l'avant-plan, le devant-plan, l'arrière-plan, plan? Plante-toi pas, mon champion. Toute la vie est devant toi. Ah, oh, mon Dieu, je vois rien. C'est ça. Alors, Rénal. Oui. Bon, ça va bien? Oui, merci. Alors là, de ces 5 sœurs, là, je vais t'aider dans ta nomenclature, un peu comme Gainsbourg dirigeait ses chanteuses et ses chanteurs. Hein. Il disait, c'est là l'intonation. Moi, je ne l'ai pas écrit, là, c'est Bukowski qui a écrit ça, mais moi, Je le connais par cœur, moi, là. Hein? Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai bu, je l'ai débu, je l'ai dégueulé. Ah, bon, dans les toilettes, dans les PV, des DPV, Madame Pissou. Bon. Alors, je vais te lancer des signes. Lance-moi pas des signes, lance-moi les mots. Lance-moi pas les signes, non, vas-y, OK. De ses cinq sœurs, oui, quand c'était la plus jeune et la plus jolie? Là, rajoute pas de mots. C'est pas Bukowski, ça. Ça, c'est du Rénal Bukowski. Rattache-toi à ces textes. Action! De ses cinq sœurs, Cass était la plus jeune et la plus jolie. Et la plus... jolie. Et la plus... Excuse-moi, c'était merveilleux, là. T'as vraiment l'intonation de l'artiste, là. À Cannes, l'année prochaine, lorsque tu feras ton premier film, là... Casse-toi, pauvre mec. Hey, ça va cartonner. Casse-toi, pauvre mec, c'est le titre. Le titre qu'il faut se souvenir en 2012. Mais voyons, hey, à quel, c'est au mois de mai, Cannes? Oui. Mai, juin. On sera plus là. Comment ça? La fin du monde, c'est en décembre 2012. Ben oui, mais on va faire le film après la fin du monde. Hey, mon, il n'y aura plus de monde. C'est pour ça que ça va être extraordinaire. Les survivants vont voir ça, ce film-là. Les survivants de ouais, c'est ça, la temporalité. Hein. Je n'ai pas assez allongé. Le titre et la première phase est courte, mais je dois prolonger ça dans toute la musicalité. Ça veut dire 1 minute 7 secondes. Et entièrement compris. D'accord, on y va. On y va. De ces cinq sœurs. Était la plus jeune et aussi faut pas dire aussi, c'est pas écrit aussi. C'est écrit la plus jeune et la plus jolie. Ah oui, mais là, c'est pour mettre un peu plus de... C'est long, 1 minute 7 pour dire de ses cinq sœurs, Cass était la plus jeune et la plus jolie. Ouais, mais c'est toi l'artiste, là. Mets de l'intensité. Ah, mon Dieu, action. Ses cinq sœurs. De ses cinq sœurs, Cass était la plus jeune. De ses cinq sœurs, Cass était la plus jeune de ses cinq sœurs. De ses cinq sœurs, Cass était la plus jeune. Et la plus... La plus... jolie. Alors, pour être la plus jolie, il faudrait appeler, pas Amélie, mais Angelina. Oh, bon, hey, Angelina est avec Brad. Ben oui, mais passe-moi pas Brad, là. Toi, là, la tineuse, là, intéresse Brad, là. Dis-lui tout ton savoir. Ben, je connais rien. Ben oui, c'est ça. Excusez-moi. C'est ça. Comment c'est, excusez-moi? Ben oui, mais j'ai accroché Brad. Ah, bon, bon. Dis-lui, ah, tu es honnête, intéressant, on aime bien ton œuvre. Même si c'est pas vrai, tu l'aimes pas, tu connais pas. C'est qui, Brad Pitt? Ben voyons, c'est le gars avec les lunettes bleues, là. Oh! Puis Angelina, c'est la fille qui est à côté, là. Fait que, intéresse-lui, je sais pas, amène-lui des bons gâteaux au chocolat. La, la, la! à tous les gens qui n'avaient d'aile tous les champs. Ouais, donne des gâteaux au chocolat. Ah ouais, Brad, d'ailleurs, Brad, mange des gâteaux au chocolat. Angelina, c'est réel. Eh, monsieur, elle veut pas le savoir. Non, mais c'est réel. C'est pas Angelina, c'est... Ah oui, c'est vrai, c'est la sœur d'Angelina. Ben oui, alors tu te souviens plus de ton texte. Non, excusez-moi. Acteur studio, là, c'est, il faut laisser libérer la bête en nous. Ben alors, la bête, elle dit quoi? Ben la bête, elle dit casse. Alors, casse-toi! Non, mais c'est casse, c'est la fille d'Angelina. Elle a quel âge? Elle a 19 ans. Oh! OK, c'est pour ça que c'est la plus jeune et la plus jolie. Ben oui. Elle était la plus jeune, elle était la plus jolie de son entourage et je l'aimais. Elle était la plus jeune, la plus jolie, je ne savais l'aimer. Avant de l'aimer, il faudrait que tu la connaisses un peu, ouais. Bonjour, Madame Casse. Madame Casse, non, je me cache pas, Madame Casse, c'est Renard. Hein? Ouais, je sais que, ouais. Parce que je suis dans un bout de tuyau, Madame Casse. On m'a caché là. Oui, on ne voit pas, il fait noir, hein? C'est tant mieux pour vous, Madame Casse. Plus il fait noir, plus on m'aime. Plus il fait clair, plus on m'haït. Madame Casse, hein, pardon? C'est comme ça, Madame Casse. La vie, on se la casse ou on se la fait. Oh, c'est bon ça, on se la casse ou on se la fait. Est-ce qu'on peut prendre ça en note, monsieur, le script? On se la casse ou on se la fait? Eh bien là, j'ai pas de crayon. Prends ton crayon, là, le crayon à mauvaise mine. Oh mon doux, la mauvaise mine, couche sur moi. Couche-toi pas sur lui, là, puis prends la note, là. Et on en balance des belles affaires ici, puis c'est caché en arrière, toutes des insignifiances, là. Puis ça, même plus comment dire, je t'aime. À creuser l'effroi que ces hommes en haut bas paria montre-toi. Oh, puissance vaine, bras de fer autour d'un mur de blasphème, peinture, badigeon d'impur, pas de confiture. Génie des hommes. Another day, another dollar. Tout à fait alimentaire, mon cher Weston. Un autre jour, un autre douleur. Aujourd'hui, je reçois un auteur, compositeur, interprète, un homme de cœur, de talent, Rémi Tarrier. Alors voici Rémi Tarrier. Plouf et Glouglou sont dans un canot. Ils partagent un peu d'eau, un gâteau qui leur reste. Plouf et Glouglou sont dans la galère. Ils ont fui la misère, la guerre et tout le reste. Plouf et Glouglou n'ont plus d'illusions. Regarde l'horizon sans faire le moindre geste. Méditerranée, berceau de l'humanité. J'irai bien cet été du côté de off. Oh, c'est compliqué. Plouf et Glouglou étaient plus de 100, des femmes et des enfants. C'est tout ce qu'il en reste. Plouf et Glouglou, moi en Occident, je m'en lave les dents, le cœur et tout le reste. Plouf et Glouglou sont dans la nuit noire. Ils échangent un regard, c'est le dernier du reste. Méditerranée, berceau de l'humanité. J'irai bien cet été du côté de oh, c'est compliqué. Allez, musique, comme sur le Titanic, en plus modeste bien sûr. Plouf et Glouglou sont tombés à l'eau, emportés par les flots. Dites-moi ce qu'il reste. Plouf et Glouglou, mort incognito, flotte quelques photos, échappés d'une veste. Plouf et Glouglou ont laissé de secondes, de trous au flanc du monde. Voilà ce qu'il en reste. Méditerranée, berceau de l'humanité. Finalement cet été, j'irai à Douarnenez ou alors à Euro Disney. As-tu peur d'avoir l'Alzheimer? Oh, comme tout le monde, hein. Mais comme si j'avais appris les prénoms, comme ouais. Ça. Ouais. Mais non, surtout que j'ai vu des proches, des parents proches tomber là-dedans. Ma mère. Ouais. Ouais. Ma belle-mère. Ma mère aussi un peu. Et j'essaye de me mettre à leur place, à la place de quelqu'un comme ça. Mais c'est pas drôle, là, tu trouves, tu veux... Non, tu veux pas drôle. Non, mais non, c'est pas drôle. J'allais pas parti avec l'idée de faire un truc drôle, mais non. Je me dis, quand c'est comme ça, à quoi on peut se raccrocher? Je crois qu'on se raccroche vraiment à des petites choses. Ouais. Ouais. Surtout vers la fin, c'est épouvantable. Mais le plus dur de l'Alzheimer, c'est le début. C'est le début quand tu te rends compte que tu as des blancs. Ouais. Et ces blancs-là ne peuvent plus compenser parce que le blanc amène l'autre blanc. Et c'est les autres qui voit le drame s'opérer. Ben, j'ai vu près ma belle-mère et avec son mari, ils avaient un numéro tous les deux. Ils s'arrangeaient pour parler de choses. Anodine? Ouais, nos bouchards, de trucs. Et avec ma femme, on se rendait compte que plus ça allait. Les deux, tu veux dire? Ben lui, il était complice. Ok, ok. Il faisait tout pour que. Ok, pour. Ça se voit pas. Ah oui, ok, je comprends. S'ils avaient peur d'être séparés. Ah oui, ok. Merci. Et. Mais ça se voyait parce qu'on parlait d'un truc au début de soirée, on y revenait une heure après, on avait oublié quoi. Mais c'est grave. Ils avaient un numéro à deux pour donner le change. Ouais. Au bout d'un moment, on pouvait plus le masquer. On peut plus cacher, ouais. Et du coup, il est parti avant elle. C'est mieux, ça épuise, c'est mieux. Ça épuise ouais. L'entourage. Ouais. Mais c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Ben, c'est mieux comme ça. Après, on l'a eu sur les bras, quoi. Ouais. Ah, vous l'aviez pas placé? Pas tout de suite. J'essayais qu'elle reste chez elle avec quelqu'un qui venait, quoi. Ouais. J'avais remplacé la gazinière par un truc électrique. Mais bon. Faut tout modifier. Ouais. Ouais. Mais c'est le fléau du siècle, hein, l'Alzheimer. Ouais. Comme l'autisme aussi. Ouais, mais ça c'est. Ouais, ça c'est la naissance. Plus, ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est exponentiel. Ouais, mais en même temps. Plus en plus. Ouais, mais ça n'existait pas avant. Ah non, il paraît que c'est. Peut-être que ça existait, mais sous un autre nom. Je sais pas. Il paraît qu'il y a l'alimentation qui joue un rôle là-dedans. Ah ouais. Non, ben donc. Et quand tu chantes, oui, vas-y. Ouais. Lorsque tu chantes, est-ce que tu racontes tes chansons? Est-ce que tu prépares quelque chose ou tu enchaînes chanson après chanson? Il y en a où je prépare quelque chose. Parce que je trouve quelque chose de drôle ou de juste. Enfin, à mon avis, c'est pas systématique. Puis je change toujours l'ordre. Alors c'est. J'ai des mains à faire tout le temps. Alors c'est quelques minutes avant le spectacle, tu écris les chansons que tu vas placer, tu mets ça à terre. Ah non, mais avec le musicien, je suis obligé quand même de faire une liste. Ok. Mais la liste n'est jamais la même. Ok, oui, c'est ça. J'ai une liste de listes. Ok, mais à quel moment ça se modifie? Oh, ben quand on répète pour le spectacle. Ok, le soir même. Ça décante et puis. Ok. Je lui donne la liste des chansons qu'on va répéter, non? C'est avant de répéter. Ça peut encore se modifier, mais. Non, et par rapport à ce que je raconte, c'est. Ouais, une heure avant, je commence à tourner en rond. Et puis, à cogiter sur la forme du spectacle. Des liaisons, es-tu un traqueur? Es-tu un traqueur? Ah ben, de toute façon, on est quand même un peu en danger que ça passe pas, quoi. Donc, c'est toujours un peu une appréhension. Mais bon, j'ai traversé des choses plus graves, donc. Ouais, en plus, c'est de l'amusement, c'est du divertissement. Oui. Arriver à partager de l'émotion, du sourire. Mais c'est pas une opération du cœur. Hein. Voilà. Hein? Ni la guerre. Mais le public te le renvoie aussi. Là. Après la première chanson, tu te sens à l'aise. Là. Le public est bon, tu le sens bien. Ben oui, en général, oui. Il y a quand même un échange qui fonctionne bien. Et... Les gens sont sensibles à mon humour, à ce que je raconte. Est-ce que tu sens que depuis quelques années, il y a un public qui te suit? Ben, oui, en fait, j'ai recommencé il y a une douzaine d'années. Là. Avant, j'étais trop dans les séries. Ouais, t'es plus sérieux, là. Je donnais des... Depuis 12 ans, t'es plus sérieux. Ouais. T'as plus de temps. Il serait temps. Parce que c'était sérieux avant, mais t'avais moins de temps. Faut pas voir ça comme ça, donc on reprend. Non, j'ai plus de temps à consacrer à ça, et puis... Et ce qui m'a encouragé, c'est justement de voir des gens qui sont pas de ma génération, qui sont sensibles à mes chansons. Alors, c'est pour ça que continuer à faire des disques, des petites scènes. Voilà. Mais ça prouve que... ça prouve qu'il y a quand même un public, une demande pour de la chanson. À texte. Ouais, à texte. J'ai du mal avec ce mot, parce que pour moi, toutes les chansons ont un texte. Ouais. Après, il y a la chanson pour danser, ouais, pour faire la fête. Charlie Couture, il dit il y a trois sortes de chansons. Pour la tête, pour le cœur et pour les pieds. Ah, je croyais dire pour les couilles. Mais... ben là, les couilles, ça, c'est le soir après. Pour les couilles, je crois pas. Et pour la tête, le cœur et les pieds. Sex Machine, tout comme ça. Ben, Sex Machine, c'est pour les pieds. Oui. Pour oui, danser. Enfin, il y a des pulsions quand même. Ah oui, oui, oui. Mais quand il y a la basse à fond. Et... oui, mais il n'y a pas beaucoup de chansons pour les couilles, là, quand même. Ah, c'est ça vibre. Ah oui, ça vibre de partout, même les couilles, mais même les femmes peuvent aussi vibrer sans bien les couilles. Sûr, oui. Moi, je disais, couilles, c'est restrictif. Oui, oui, c'est ça. Il y a des musiques. Laisse faire. Il y a des musiques qui sont sensuelles, quoi. Oui, oui. Oui. Ça va être vulgaire, hein. Qui t'emmène sur le chemin. Même la bossa nova, oui, comme oui, ça. Oui. Et oui, qui doit arriver à la fonte, par exemple, dans les vieux. Oui. Mais ben, le rock aussi, hein, c'est aussi. Ça prend la caisse. Les plus chauds. Oui. Mais toi, est-ce que des chanteurs ou des chanteuses ou des groupes que tu suis encore? Oh ben oui, il y a mon vieux copain Thiéphène. Oui, OK. On avait commencé ensemble dans des cabarets. OK. J'ai connu, donc j'ai beaucoup aimé son dernier disque. Est-ce que tu vas le voir après? Ben, il y a quelques années, oui, j'étais le voir. Bon. Il m'a reconnu, il s'est rappelé. Ah, c'est bon. Ah oui, OK. Quand il passait des auditions, qu'il se faisait jeter de partout. Seul avec sa guitare. Est-ce que tu sens qu'il y a encore de l'intérêt ou si c'est devenu une autre personne? Lui, de l'intérêt, quoi, pour... ben, pour ce que... Ah, oh, salut, comment ça va, mon vieux Rémi? Ouais. Ou si c'est rendu une autre personne et... Non, j'ai senti que j'étais relié à une époque. Bon, j'ai passé de mes disques, mais je peux de retour, hein, c'est pas... Ouais. Il est plus là, là. Plus là, il est dans d'autres galaxies. Oui, alors il est plus accessible du tout. Ben, il est accessible, il a accepté de me voir. Mais dans la discussion. Ok, mais la discussion c'est vite arrêté ou... Ben non, ben, c'est-à-dire qu'on a évoqué des souvenirs, mais c'était des souvenirs. Ouais. Il n'y avait rien dans le. Mais as-tu senti que ça restait un humaniste aussi? Le succès l'a changé? Non, mais j'ai été touché quand même qu'ils me reconnaissent et puis okay. qu'ils switchent tout de suite. Mais du coup, oui, c'est adressé au petit entourage autour pour raconter un peu cette période. OK. Il s'est retourné vers la clique en disant « Ah ben oui, ce bon Rémi, je l'ai rencontré. » Puis là, il a commencé à... Ben lui, il adorait la quéquette. OK. Ah oui. Mais comme plusieurs. En tant que chanson. C'est ça. Mais, Puis tu trouves que c'est un artiste qui a bien évolué? Mais j'étais content de le revoir. Ça, avant qu'il décolle, il me faisait passer en première partie dans des lieux à Paris où il commençait à faire boule de neige un peu, lui. Ah, c'est bien. Pendant qu'il travaillait avec son groupe en province, il continuait à faire des petits lieux. Tout seul avec sa guitare, quoi. Ah, ouais. Et il prenait des gens qu'il aimait bien avant lui, quoi. C'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Alors je fais aussi à mon niveau. Dans le matin, sur un chemin, dans une rue flânée, se baissaient pas de ci, de là, à fond perdu, en sifflotant, prendre le temps qu'on n'avait plus flâné, prendre un aller, en laissant les sentiers battus. Flâner, le nez en l'air, et l'air de rien, peut-être bien, et l'air de rien, n'avoir à faire de plus pressé. Flâner, l'âme légère, tournée au coin de son destin, sans y penser. Comme une ivresse, une caresse, un air nouveau, flâner. Sans aucun plan, un rentre-en-plan des caniveaux. Sans aucun but, marqué des buts aux bouches d'égout. planer, laisser venir des souvenirs à pas de loup. Flâner, le nez en l'air et l'air de rien, peut-être bien, et l'air de rien avoir à faire de plus pressé. Flâner, l'âme légère, cueillir un brin du temps qui vient et l'embrasser. Quitter la file, suivre le fil d'un cerf-volant, flâner dans la nuit claire, le cœur ouvert, au fer, au vent, au petit bonheur, le pied ailleurs, la tête au nu, flâner, sourire enfin, sans voir plus loin que l'inconnu. Flâner, le nez en l'air et l'air de rien, se sentir bien, se sentir bien, y a rien à faire, c'est bien assez. Flâner, l'âme légère et l'air de rien, suivre un parfum et puis danser. Bonjour. Bonjour. C'est ça, alors il reste des gens fidèles. Il y a des gens qui sont fidèles, oui, à l'amitié. Oui, mais je cherche pas non plus à, non, à redevenir. Je vais pas le harceler. Hein. Non, mais il était venu chez moi aussi pour ça, après 2-3 disques. C'est pas moi, c'est un de mes musiciens qui l'avait il a réussi à le contacter. Puis, il était venu bouffer chez moi. Et puis voilà, bon, il demandait comment ça se passait, si je tournais, il avait écouté mes maquettes. Et puis avec le sourire. Okay. Bah, il m'avait, ce qu'il m'avait dit quand tout le monde était parti, c'est, j'ai du mal à voir où tu veux aller. Oh, et comment tu l'as pris? Ben, j'ai pris comme un truc vrai, parce que lui c'était le rock. Hein. Ok, ok. Ah, toi tu touches à rock, c'est blues. Et moi, j'aime bien batifoler, papillonner, même dans les genres de musique. Alors donc, t'es pas cloisonné contrairement à lui? Ouais, mais t'as plus de force quand t'es... Oui, oui. T'as une direction. Oui, mais c'est un choix que t'as fait. Je sais pas si c'est vraiment un choix, c'est ses possibilités, son goût personnel. Voilà. Parce que j'aimais autant des vieilles chansons que du rock. Mais tu sais pas choisir, c'est ça aussi. Voilà. Ouais. Non, mais tu veux pas rien bloquer, parce que tout... J'ai rien bloqué, c'est plutôt ça. Puis... Mais t'es pas très rock. J'en ai fait, hein, mais jamais avec un groupe comme lui. Puis sur scène, qui t'envoie, est-ce que tu touches un peu au rock? Oui. Ou, Oui. Par exemple, moi, j'ai fait un sujet en... Oui. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, oui. Et tu peux pas venir ce soir? Non, je peux pas. Ben non, j'ai des rencontres jusqu'à 20h. Non, j'ai compris. Ouais. Et là, tu t'en vas répéter, qu'est-ce que tu t'en vas faire? Voilà, je vais me préparer, j'ai chargé mon ampli, tout ça, et puis j'ai un connétable pour installer. Mais là, t'es-tu en voiture? Non, je repasse chez moi à Ivry. Ok. Et je repartirai. C'est à 9h. Donc okay. Je repartirai pour être là-bas à 8h. Oh, juste une heure avant. Oui. Bon, ben, il n'y a pas non plus tonnes de matos. Hein. Ouais. Et tu fais combien de chansons? Une vingtaine. Ah, c'est bon. 18-20. Ouais. Et il n'y a pas d'entracte. Avec moi, non. Est-ce que tu veux garder le fil? Ben oui, une fois que c'est parti. Ouais. Par contre, là, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui était avant moi. Qui était pas avant moi, mais d'habitude, je prends quelqu'un que je rencontrais, qui fait une demi-heure. Ça, on a la soirée complète. Et là, il n'y a personne? Là, il y a quelqu'un, mais que okay. Je ne connais pas. OK. Et est-ce que tu la connais, la personne en question? Ben, je vais la voir, oui. Okay. Ah, tu ne la connais pas vraiment? Tu ne sais pas qui c'est? Ah, je ne sais pas qui okay. C'est. OK, OK. Ouais. Et tu lui laisses une chance d'être... Et tu lui laisses la chance d'ouvrir ta... Ah non, ben c'est quand moi, j'ai cherché quelques dates avant de partir en province, là, pour... Parce qu'on enregistrait à 3, mais ouais. Là, on va être que 2. Pour faire quelques dates dans okay. Le Jura, par là. Ah, c'est bien. Et fallait qu'on mette au point les chansons pour deux, quoi. C'est pas un avec Olivier. Une mini-tournée. Relax. Relax, dans des lieux associatifs, comme ça. Puis, il y a du monde. Ah oui, c'est bien. Est-ce que le son est quand même pas mal dans ces salles-là, oui? Ah oui, oui, oui. Les gens sont équipés maintenant. Oh, puis les gens sont attentifs, surtout, hein, quand... Oui. Oui, oui, quand on les fait pas chier, oui. Ben oui, mais là, c'est normal que, oui. S'il n'y a pas d'intérêt, c'est certain que tu vas le sentir. Ouais, donc il fallait adapter certaines chansons à soit une seule guitare, soit... Lui, il joue de la guitare et de l'accordéon, Olivier. Jean peut alterner. Sur l'idéal, c'est quand il y a Jean Dubois et... Ah oui, ben oui, ben là, c'est le trio, donc... Ouais. Hey, j'ai 10 questions, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Si tu étais un liquide... Hein? Un liquide, si tu étais un liquide... Ah bon? Ça serait quoi? J'étais un liquide, ce serait de l'eau fraîche. De l'eau fraîche? Ouais. Est-ce que ça a changé ou avant c'était pas de l'eau fraîche? Non, vas-y, vas-y. Non, ben oui, évidemment, ça a changé. Aujourd'hui, c'est rendu de l'eau fraîche. Vous pouvez boire des alcools forts. Oui, et c'est terminé. C'est terminé, oui. OK. Ben, okay. Si je veux écrire quelques chansons. Oui, puis pas juste ça, ne pas avoir l'Alzheimer. Ah, je sais pas si l'alcool donne... Ben, ça oui. Ah bon? Oui, oui, oui. Si tu étais un mot... Un mot? Fleur. Ouais. Une fleur. Moi, je suis admiratif des fleurs qui arrivent à pousser au bord du périph', dans des coins improbables. Ah, c'est ça. Il y a une résistance dans la nature, quand même. Oui. Comme la fleur de Saint-Exupéry. Oui, oui, oui. Où il y a l'image de Metal Jacket de Kubrick, où la fleur pousse sur un casque militaire. Oui, c'est vrai, oui. Full Metal Jacket. Oui, oui, c'est vrai. Si tu étais une saison? Oh, printemps. Printemps. Parce que c'est plus frais. Oui, il y a une renaissance. Voilà. La nature qui reprend. Et il n'y a pas de printemps sans hiver. Donc, ouais, c'est ça. Un peu, chacune a son charme dans les saisons. C'est comme les femmes. Chacune a son charme. Si tu étais une époque. Si j'étais une époque. Je sais pas. Il y avait des galères dans toutes les époques. Hein. Ouais. Là, j'aime pas trop, mais c'est là où je suis encore vivant. Donc, j'aime pas trop le chemin que ça prend. Une sorte d'uniformisation, de contrôle. Mais j'ai de l'espoir parce que je crois en l'humain, quoi, quand même. Qu'il y aura toujours des humains qui trouveront le moyen de résister à cette pression, cette manipulation de tous azimuts. J'espère, en l'humain. Les époques, toujours eu des guerres, et toujours eu... À l'époque, ça dépend dans quel coin du monde tu n'es. Hein. Mmh. Ouais, quand j'étais môme, mais il y avait des trucs qui étaient sympas. Hein. Et on y revient, par exemple, la consigne des bouteilles. Ouais, chez nous, c'est fait depuis longtemps. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ben, qu'est-ce qu'on fout? Depuis les années 70. Ah bon? Ouais. Ouais. 70, les canettes, les bouteilles. Ça, ouais, les bouteilles de lait, les ça, c'est Vincent. Donc, je vais te le dire en euros, c'est 15 euros. 15 euros? Oui. Non. Ah non, 15 centimes, excuse, 15 centimes. 15 centimes, oui. 15 centimes. Donc, alors, tu ramènes ça et t'as... Oui, t'as 15 centimes. Mais quand tu l'achètes, on t'inclut le 15 centimes. D'accord. Voilà. Avec les canettes, c'est 10 centimes. Et là, c'est une gobeuse qui va la prendre et qui va calculer. D'accord. Le montant. Pourquoi on n'a pas fait ça en France, à toi? Ouais. Quand j'étais môme, c'était même les bouteilles de lait que tu ramenais à l'épicerie. Ah là, non. Nous, c'est bouteilles des poches de vin. Ah ouais, mais de vin, nous, on les reprend pas. Mais là, il y a une nouvelle législation là, qui va accepter les bouteilles de vin. Ouais. Ah ouais? Ouais. Pose un peu ton journal. Cette histoire pas banale se passe dans un bocal plein d'eau. Il y a deux petits poissons, de tout petits poissons mignons. Je connais pas l'espèce qu'ils sont, mais ça n'a aucune espèce d'importance pour la suite de l'histoire. Tu vas voir, il y a un rouge puis un noir. Quand il y en a un qui bouge, l'autre y planque ses nageoires ventrales. Leur arrive de causer dans leur langue poisson bidon. Font des glou-glou, des bons, des ronds. Ben oui, faut pas trop leur en demander, c'est jamais que des poissons. Eh oui mon vieux, y'en a un c'est Armand, quant à l'autre c'est Armand. Quelle imagination, les poissons. Mais un jour y a Armand qui demande à Armand, et dis donc, qu'est-ce que tu fais demain matin? Armand répond, bah je crois que je vais rester à la maison. Et toi? Armand élu de la question, ben oui, ça n'a pas de conversation, c'est tout con les poissons. Bon, reprends ton journal, cette histoire est banale, elle se termine en queue. Poisson, oh, allez, m'en veux pas, lis les informations. Ah bon? Ah ben dis donc. Oh bah dis donc, oh bah dis donc, oh bah dis, oh bah donc, oh bah dis, ah bah donc. Merci. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Un bras, une jambe, ouais. Un seul? Oui. Oui. Je sais, jambe. Des fois ça vient du haut, hein. Oui, c'est ça, oui. Une jambe, ok. Une jambe, ouais. Et droite ou gauche? Peut-être que tu conserveras ton orientation politique. Oh, la droite, hein? La droite. Non, mais une jambe toute seule, c'est chiant. Oui, mais c'est pas la jambe de bois. Non. Mais, non, parce que c'est l'idée de courir aussi, enfin, de ouais. Pouvoir se déplacer. Comme je marche pas sur les mains... Ouais. Pas encore. Pas ouais, mais il aurait fallu commencer tôt. Hein. Oui, j'y crois de moins en moins. Oui, c'est ça. Ça dépend. Godard a commencé tôt à marcher sur les mains. Si tu étais un autre individu. Un autre individu. Vivant. Ben non, peu importe. Oh, ah, dis donc, t'en poses l'école. Hein. Oui, oui. Ouais, ouais. Autre individu. Charlebois. Ah! Alors là, il aurait fallu que tu commences à boire ta propre bière. Parce qu'il a, parti une ligne de bière, lui, qui s'appelle La Maudite. Ouais, j'ai entendu la ça. La fin du monde, c'est fait par une hébrou. Mais là, ça a été vendu, il a vendu ça aux Anglais. Ah bon? Et là, les Anglais ont vendu ça aux Mexicains. Oh là! C'est un voyage. Ouais, c'est un voyage. Nous, on a toujours une ligne de gâteaux commerciale qui s'appelle Vachon, les produits Vachon. OK, c'est des gâteaux industriels, là. Qui ont le même goût après la centième boîte, là. Ah ouais. Bon. Et puis, c'était québécois. Et ils ont vendu ça aux Mexicains. Ça faisait 100 ans qu'elle existait, cette maison-là. Ah, ils vont mettre du piment maintenant, là. Ben, non, ils ont décidé de faire des croustilles et de vendre aussi autre chose que des gâteaux. Ils vendent des croustilles épicées. Et c'est leur produit au Mexique. Voilà. Alors, tout ce qui vient du Québec, quelquefois, peut être vendu à n'importe quel... Oh, je dis Charlebois parce que Tu sais, quand j'étais ado, le matin, je mettais la radio. Puis, oui. De temps en temps, j'avais un choc quand même en entendant un truc. Oui. La première fois que j'ai entendu... En 2 juin? Non, c'est Lindberg qui est passé. Ah oui, Lindberg, oui, avec Louis Forestier. Ouais. Mais je sais plus, Eastern, Western et Pan-American, mais je sais plus où je suis rendu. Alors je suis parti. J'ai vu un truc vraiment différent. Québécois n'existe même plus. Ah, oui. C'était une ligne aérienne. Ouais. J'ai vu, putain, il y a un truc. Ouais. Ça m'a fait le même effet quand j'ai entendu « Moi et moi » de Dutronc. Ah ben oui, ben oui. La désinvolture, hein, surtout la façon de le dire, et moi, on s'en fout, et moi. Hein, on ramène au jour, encore aujourd'hui. C'est toujours. Oui, c'est ça, d'actualité. Hein. Ah oui, c'est d'actualité. À choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Si je fais le même chemin. Bon. Il faudrait que je sois quelqu'un d'autre. Hein. Mais non, mais en connaissant le sentier que tu as emprunté. Savoir un peu plus. Ce que je veux. Parce que tu n'as jamais su. J'ai su ce que je voulais pas, mais ce que je voulais. Je me suis un peu laissé emballer par la marée. Par la marée, par La vie. Les vents tourbillonnants. Ouais. Et ces vents-là tourbillonnants, c'était quoi? Des amours, des fois. Ouais. Pour amour, t'as fait capter par... Mais par amour, t'as... J'ai suivi cette femme. C'était pas forcément une bonne idée. Dépendant de la femme. Hein, ouais. Dépendant de la femme et du voyage que cette femme a. Après ça on ne sait jamais avant, on sait après. Ça vient de l'enfance, de comment tu t'es construit, tout ça. Bon, alors j'ai pris des coups, c'est la même chose. Mais à ce qui est en train de vivre, c'est comme l'année. Moi, je connais tout. Parce qu'en plus, on a des stages, donc ça ne va pas à la fin qu'on en voit. Même en étant un peu naviguant à droite à gauche. Si j'arrive en avant d'eux, j'aimerais bien. Mais je ne peux pas les faire en avant. Mais je me souviens, adolescent, j'écrivais des textes, comme des théories sur la chanson. C'est pas normal de pouvoir chanter tous les soirs la même chose. La chanson, ça doit rester une source. On chante quand on en a envie, ce qu'on a envie, et basta. Les deux, ça apparaît. Et tu crois encore? Je me dis que dans un monde idéal, il y a beaucoup de choses artificielles, quoi. Quand même. L'industrialisation de la chanson, je voyais plutôt ça comme un artisanat, un truc. Ah non, en fait, c'est juste que moi, j'ai pas de... Comme des fleurs qui fleurissent, par-ci, par-là, après, ça meurt, ça continue, ça draine ailleurs. J'ai jamais visionné une sorte de carrière ou de truc à portée FM. Même quand il était tout seul avec sa guitare, il savait exactement où il voulait aller. Alors, est-ce que c'est un manque de sérieux ou un manque de... Un manque d'entourage? Ah oui, à part. Oh, un manque d'entourage. Bon. Quand tu es bien entouré, des fois, ça peut... Ça fait mais c'est toi qui fais le noyau quand même, qui peut attirer. Bon, j'étais un peu... C'est ça, un oiseau errant. Un oiseau errant. Errant en plan. Ah non, mais c'est vrai. Mais, Est-ce que tu sais de quoi demain sera fait pour toi? Pas complètement, non. Bon, à court terme, je suis encore en train de chercher une salle sur Paris pour faire une sortie d'album. Le disque que tu viens de... Ouais. Ouais, que tu m'as envoyé. Merci encore. Et puis j'ai déjà bonne trentaine de chansons. En banque? En banque. Mais pas enregistré. Dans divers styles. États. Les États, ok. Okay. Et styles aussi, ouais. Plus ou moins avancés, okay. Auxquels je tiens. Est-ce que tu les présentes sur scène avant de les mettre sur disque? Sur ce disque-là, il y a... Sur tous les disques en général, est-ce que tu les prépares, est-ce que tu les vérifies sur scène, voir l'accueil du public, ou, histoire de remodifier? Bah, la plupart, ouais. La plupart, oui. Sur mes disques, il y en a quelques-unes que, en fait, voilà. j'ai jamais fait sur scène. Mais, est-ce qu'il y a des chansons que tu reprends, les toutes premières chansons, est-ce qu'il y en a que tu as encore gardées parce que tu les trouves, à part, ben là, tu vas me revenir avec... La quéquette. Mais hormis la quéquette, on va laisser ta quéquette de côté. Ouais. Mais est-ce qu'il y a des chansons que... Oui, il y en a que... Que j'ai faites quand j'avais 18-20 ans, que je trouve encore intéressantes. Et je ne sais pas ce que j'en ferai, mais... Il y en a pour lesquels j'ai encore de l'intérêt. Je t'ai plu, tu m'as plu, on sait plus comment s'en sortir. Je t'ai cru, tu m'as cru, on s'est cru tellement déçu. Tu aimais à me dire, faut jamais dire jamais, toujours mon amour. Ça te jouera des tours, au détour d'un amour. Mon amour, je t'aimais, tu m'aimais, on s'est même pas dit au revoir. Tu valais mieux, je valais mieux, il valait mieux ne plus se revoir. Tu aimais à me dire, dans l'amour il y a le jour et la nuit, v'là l'ennui. Notre amour avait le jour, ben faut qu'il voit la nuit et l'ennui. Il y a des âmes perdues à jamais à cause d'un toujours qu'elles ne reverront jamais. D'avoir un jour cru en ce toujours, elles s'en remettront jamais, elles y penseront toujours. T'es parti, je suis parti, on est particulièrement seul. Tu vis ta vie, je vis ma vie, mais vis-à-vis de la vie, on fait la gueule. Moi j'aimais à te dire, l'un dans l'autre on est bien, mon amour, l'un sans l'autre on n'est rien qu'un matin, sans bonjour. Mais est-ce qu'il y en a encore que tu as gardé pour chanter sur scène, à part la caquette? Oh ben... Du tout début, on n'a pas tellement. Pourquoi? Ton style a changé? Ouais, bon, tu sais, ça dépend de... Ce que je les trouve peut-être trop naïves ou ce qui correspond plus à ce que je suis, ce que j'ai vu. Ben, j'en ai écrit beaucoup, quelques centaines. Hein, donc, beaucoup. Ils se sont évanouis? Certaines sont notées quelque part, mais enfin, je ne vois pas... La nécessité ben, peut-être 4-5 que je pourrais reprendre. Parce que tu sens qu'il y a encore quelque chose à... Oui, je trouve qu'à certaines, c'était, je tombais juste. Quoi. Mais bon, donc l'avenir... L'avenir, c'est ça. Essayer de vivre bien avec les gens que j'estime, faire encore des rencontres. Depuis que je m'y suis remis il y a une douzaine d'années, j'ai rencontré vraiment beaucoup de gens, quoi. Ouais. Et d'autres générations. Ouais. Ça m'a beaucoup plu. Oui, oui, oui. Mais oui, c'est parce que tu te rends compte qu'il n'y a plus de limites. Il n'y a pas de conflit de génération. Non, il y a toujours des gens qui font des belles chansons. Oui, c'est ça. C'est réconfortant. Oui. Et de voir même aussi, du public. Et de voir que c'est apprécié autant devant un jeune public que les gens de notre âge. Il y a un festival que j'aime bien, c'est Festival des fromages de chef de Pacou. Ok. Justement parce que comme tout le monde est bénévole, donc c'est gratuit, il y a plein de jeunes qui viennent. Ah ouais. Et c'est très mélangé. Il y a plusieurs lieux de spectacle, sous chapiteau, en plein air. Et toi, tu vas faire un spectacle cette année, là-bas? Non, j'ai fait deux fois de suite. Okay. Il y a quelques années. Okay. Mais j'y suis aussi retourné sans y chanter spécialement. Pour le plaisir, pour l'ambiance. Pour l'ambiance, oui. Plaisir de voir. Il y a aussi bien du rock que de la chanson pure et dure. Ou... Un mec que j'ai découvert aussi, c'est Erwan Pinard. Ok. Est-ce qu'il porte bien son nom? Est-ce qu'il porte bien son nom? Oui, oui. C'est, okay. C'est un grand gaillard. Un bon vivant. Qui bouscule. Ok, oui. Ouais. C'est un genre de sarcloré. Oui, ok. Pas le même, tout à fait le même genre, mais enfin. Qui aime bien la pauvre. Qui vit sous plancher, comme on dit. Ouais. Ouais. Hey, tu vas vivre en Thaïlande, 500 euros. Il y a des choses. Des gens qui font plus dans la douceur aussi. Thibaut de Fever. Ouais, c'est un bon. Enfin bref, plein de gens, des femmes aussi. Qu'est-ce que tu te souhaites dans les années qui s'en viennent? Qu'est-ce que tu te souhaites? Qu'est-ce que tu... D'avoir mes deux jambes. Oui, déjà. Oui. Oui. Et ta tête, toute ta tête. Oui, ma tête. Et puis... On dirait que t'es, oui. On dirait que t'es comme un bateau qui est au large. Ben forcément, non. C'est dur de se sentir autrement. Je vois pas où on va. Hein. Moi, avec l'info, avec tout ça, je suis comme manipulé de partout. Et... Mais pourquoi tu les regardes, les infos? Je suis un peu fasciné. Okay. Parce que c'est peut-être de la contre-information qu'on te fait rentrer dans la tête aussi. Ah ben... Oui, non, mais c'est ça que je déchiffre. Si ça ne saigne pas, c'est pas difficile. Ça, hein. Si ça ne saigne pas, si ça... s'il n'y a pas de feu et d'explosif, c'est pas présenté. Et puis surtout, c'est du compris. L'audimat. Moi, ce que j'ai tendance à penser que c'est mieux, c'est que tu prends... Non, mais même par rapport à ChatGPT, là... Peut-être le mieux, c'est de lire le monde diplomatique, des trucs qui sont plus posés, plus réfléchis. Ah, ben, y a quelque chose que je lis beaucoup. C'est un auteur français là, qui est mort en novembre. Qui? Christian Bobin. Je ne connais pas. Oh, tu peux mettre le nez dedans. Hein, oui. Christian Bobin. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je trouve qu'il formule des choses que je peux ressentir confusément, pas que moi. Hein, pas ouais. Oh, c'est un poète. Il y a quand même une audience. Il écrit en prose, mais. Ok, c'est un poète. Ok. C'est un poète, un penseur, ouais. Mais, qui s'exprime avec précision, même si c'est un poète. Il dit des choses sur. Bah, sur les choses éternelles, ouais. La mort, l'amour. La vie, l'amour, la mort. Ouais. Les trois thèmes shakespeariens. C'est chose humaine, quoi. Non, mais le reste, c'est juste du remplissage. Oui, l'habillage. L'habillage, du remplissage. La vie, l'amour, la mort, c'est les seuls trois pylônes de la vie. Il n'y a pas autre chose. Lui aussi, il a eu son père qui avait Alzheimer, donc il allait le visiter régulièrement. Il raconte que... Un jour, son père a voulu le présenter à un collègue d'EHPAD, mais il ne se souvenait plus du prénom de son fils. Donc, il voyait son père ramer, puis... Il s'est annoncé. Et il a dit, je te présente l'inoubliable. C'est beau. Oui. Qui oubliait jusqu'à son prénom. Mais en fait, quel est son nom à ce monsieur? Christian Bobin. Christian Bobin, B-O-B-I-N. B-U-M? B-I-N. Ok. Christian Bobin. Ah, c'est Bonin? B-O-B. B-O-B. B-O-B-I-N. B-O-B-I-N. Oui, marché couvert. Parfait. Il est mort quoi, jeune? Bon, il avait 71 ans. 74? 71. Ah, c'est jeune. Oui? C'est jeune. Même âge que Sting. Oui, mais ben lui, il est toujours vivant. Oui. Ouais, ouais. Un électron libre. Ouais. Mélenchon aussi, à 60 ans. Oui, mais lui, c'est un électron un peu déstabilisé. Déstabilisé. Ah, il dit pas que des conneries. Hein. Ah oui? Mélenchon? Ouais. Le gars de gauche? Oui. Ouais. Comme disait Pierre Desproges, il ne dit pas juste des conneries, il en réfléchit aussi. Ouais. Mais il parlait pas de lui, là. Il parlait pas de lui. Ah oui. Parce non, que Pierre Desproges, je crois qu'il était même pas... Il était pas très politisé. Lui. Pierre Desproges? Ouais. Ben oui! Ça l'intéressait pas plus que ça. Pierre Desproges, ben oui! Coluche, oui! Oh, ben, Pierre ben oui, Pierre Desproges! Un ami de Guy Bedos. Oui, mais enfin, Guy Bedos, oui! Et Pierre Desproges, voyons donc... Quand, Moi, il avait un regard très... Très cynique, très cynique, très cynique. Sur la société. Oui. Écoute, la, c'est un sketch qui s'appelle Les batteries. Ah oui. C'est très politisé. Très, très politisé. Oui. Mais en tout cas, merci de m'avoir présenté ce Christian Bobin, ça m'intéresse. Ah, j'ai du mal à lire autre chose ces dernières années. Mais il y a tellement de choses qui se passent aussi. Oui. Oui. Par exemple, j'ai fait une chanson sur mon gilet jaune. Oui, oui, oui, oui, oui. Ça me frappait de voir ces pauvres stagiaires de BFM qui étaient envoyés sur les ronds-points qui découvrent un monde qui... C'est comme si c'était un entrechoc. Oui, c'est ça. C'est comme un lapin pris dans un phare. Là. Se retrouver au milieu de... Ah oui? Enfin, mais c'est à peine drôle. Hein? Oui, mais c'est à peine drôle. C'est dramatique. Oui. Mais mieux vaut en rire. Oui, j'ai imaginé une histoire d'amour qui était stressée. Oui, je sais. Et Armel Dumoulin, elle chante très bien. Ah oui, tu trouves que... C'est une histoire de blaireau qui pouvait pas se blairer, pouvait pas se voir en photo, et pourtant ils en prenaient. Ils lisaient Télérama, elle lisait télé 7 jours, ils regardaient le Barça, elle regardait dans la cour, il était Castorama, elle préférait le Carrefour, il aimait bien les petits chats, elle préférait les petits fours. C'est une histoire de blaireau qui pouvait pas se blairer, supportait pas le pédalo, et pourtant il pédalait. Elle portait de grands chapeaux, il mettait des petits bérets, elle aimait jouer au loto, il préférait le quintet. Il buvait le Pernod sans eau, elle buvait le Perrier sans lait. Il pissait dans le lavabo, elle préférait le bidet. C'est une histoire de blaireau qui pouvait pas se blairer, supportait pas les marmots, et pourtant ils en avaient. Elle rêvait au grand amour et lui au Kama Sutra. Quand elle voulait faire l'amour, c'était lui qui pouvait pas. Le dimanche, ils font un tour, elle au ciné, lui au bois. Ils passent l'été à Cabourg, bien qu'il préfère être tard. Ils rigolent pas tous les jours, mais ils ne sont pas là pour ça. C'est une histoire de blaireau qui pouvait pas se blairer, pouvait pas se voir en photo, et pourtant ils en prenaient, eh oui, et pourtant ils en prenaient, et même des vidéos qu'ils mettaient sur Facebook pour que tout le monde voit ça. Aimes-tu les... Oui, c'est ça, aimes-tu quand les gens reprennent tes chansons? Ah, j'adore ça. Mais... Ça te surprend? Ben, j'adore les redécouvrir, ça me les fait redécouvrir. Est-ce que tu essaies de souvent de les interpréter comme ce que te propose? Oh ben non, c'est ma façon à moi. Et puis il y a Valérie Michler là qui a chanté une de moi. Ah ça c'est ça. Il a dû t'envoyer le disque aussi alors. C'est... Oui, ok. Non, t'as pas reçu. Qui? Valérie Michler. Non. EPM, ils te l'ont pas envoyé? Non. Ah c'est con, je l'ai pas avec moi. Non. Non, mais c'est toi qui m'as envoyé tes disques et non pas eux. Hein. Eux, ils m'ont rien envoyé. Ah, d'accord. C'est toi qui m'as envoyé les disques. Parce que tu me parlais d'une plaquette. Tu me parlais d'une plaquette. D'une plaquette? Qui était avec mon disque. Ah non, mais tu m'as envoyé deux disques de toi. Le dernier et l'avant-dernier. D'accord. Mais j'avais pas, non. L'étiquette m'a rien envoyé. Et d'habitude, ils t'envoient des choses? Non, pas du tout. Mais j'achète souvent là-bas. Là. Il y a un site internet. Non, il ne m'envoie rien. Valérie Michler, c'est bien. Oui, mais je crois que ça en a. C'est une Parisienne? Ah, d'origine alsacienne. Mais M-I-C-H. Oui, M-I-S-C-H-L-E-R. S-C-H-L-E-R. Ah, oui, Michler. Okay. Elle chante une de mes chansons. Ok. Elle a fait un rock. Ah oui, bon, donc ça donne une autre facture. Ben écoute, je te remercie d'avoir passé à mon émission. Je t'ai ravi de te revoir. Ben écoute, on s'était vu. Bavardé. Oui, ben on s'était vu en très rapidement. Oh ben on avait chanté. Oui, c'est exactement. C'est exactement. Il y a des amis à toi qui t'ont demandé de passer et tu as eu le grand cœur de le faire. Ben, et oui. C'est là qu'on s'est connus. Oui. Et c'était fabuleux. Il y avait Cyril Hadda, il y avait. Oh oui. Oh, il y en avait plein, oui. 5-6, oui. Sur un banc là-bas. Oui, c'est ça. Le banc public des abeilles, ça, oui. Je fais souvent des spectacles là-bas. C'est bien? Ben oui, c'est fabuleux. C'est une petite salle. Oui, une salle ouverte. On entend les voitures et ça, j'adore ça. C'est la version urbaine de la musique. La musique est partout. Autant dans la tête qu'à l'extérieur. Et Rémi, encore, merci mille fois. Ben écoute, je vais te faire un... Et si comme tu veux, souvent, je vais te faire un cadeau de mes obélisques. À la revoyure. Oh oui, merci. Hein? Ben oui, mais tant qu'à faire. Hey. Tu n'auras pas à les commander chez vous. Mais c'est bien d'avoir une belle étiquette comme ça. C'est le PM. Oui. Oui, ça donne une visibilité quand même. Ben oui, parce que sinon, les gens s'autoproduisent. Oui. Est-ce que tu connais Marc Avec? Ben, très bien, oui. OK. Oui. Je sais pas si je te l'avais donné, celui-là. Non. C'est... Bon, écoute. Tu auras la collection. Eh bien, merci. Ça, c'est quoi? C'est le hockey avec les chansons. Oh, ben, je mets toujours un livret. Ah oui, hé. Hey. Merci. Ah, là, ça, c'est... Si j'ai... Alors, j'ai la discographie complète. Oh, ben, là, oui. Ah, ben, merci. Le prochain. Oh. Mais le prochain, je l'ai. Tu m'en as envoyé. Ah ben oui, mais... C'est ça. Jusqu'au prochain. Ah oui, le prochain à venir, ben oui. Ah, mais on remarque que tu as quand même une certaine... un certain lien avec cette fleur. Ah, c'est mon costume de scène. Non, mais la fleur est là aussi. Oui. Hein? Ah, tu mets toujours cette... Oui. OK. Et c'est qui sera là ce soir? Lui, c'est Olivier. OK. C'est Olivier, parce que... Il joue à la fois de l'accordéon et de la guitare, donc ça permet de... Ah oui, et puis il fait les deux. Mais toi aussi, tu joues de la guitare? Voilà, juste sur la quéquette. OK. Est-ce que c'est la dernière? Non, mais il joue mieux que moi, donc autant laisser faire quelqu'un qui joue mieux. Mais souvent, cette chanson-là, tu la places en tout dernier. Non, pas du tout. OK. En tout dernier, c'est plutôt les frites, des fois comme ça. Deuxième rappel, c'est s'il y a... J'aime les frites. T'aimes les frites? Non, mais c'est la chanson de... Oui, je connais. Oui. Autrement, non, elle n'a pas de place précise. Je te dis, je change toujours. Ben, c'est mieux, parce que c'est vivant. Oui. Donc, quand c'est vivant... C'est façon de se bousculer un peu. Alors, écoute, on se revoit, puis on te diffuse avec grand plaisir. Je t'envoie le moment où ce sera choisi. Ah, avec plaisir. Hein? Et puis, on va te consacrer plusieurs émissions, ne t'en fais pas. Tu seras notre vedette. Notre vedette de la semaine. Et peut-être même, moi j'estime 2-3 semaines, je regarderai là, la durée. Et donc, je te souhaite, je te dis merde pour ce soir. On peut pas dire autrement. Non. Hein? Donc ça c'est la convenance. Hein? Faut pas... Non, faut laisser ça comme ça. Hein? Oui. Et puis, on va prendre des photos. D'accord. Et je vais te laisser aller pour, pour te reposer un peu avant de... Pour repartir. Ah, ça tombe bien. Attends, je finis ça. Oui, ah, oh, pour ça, relax. Ah, ben ça tombe bien. C'est qui le suivant? Hein? Oh, suivant! C'est... La chanson de version ombrelle, hein? Oh, suivant! Ouais. Alors, c'est... Daphné Dauvillier. Auteur, compositrice, interprète. Ah, son nom me dit quelque chose. Ah oui? Ensuite, je rencontre Rature. Ah ouais, c'est beau. Voilà. Ah oui, c'est bon. Je ne rencontre que les meilleurs. Oh, étouffe-toi pas. Je vais juste en vérifier. Non, non, je mets à l'envoi, ok, parfait. Voir si c'est le grand temps, oui. J'en prends quelques-uns. Ok. Pour la route. Ok. Oh! Ah, vas-y. Merci, ça va faire. Ah oui, quelle bonne photo. Quelle bonne, je vais te la présenter. Et wow! C'est Mimi! C'est beau ça! Elle m'a pris la quéquette, elle l'a mise dans le lavabo. Mais en voyant ma tête, elle a compris que c'était trop chaud. Elle m'a dit, mon petit, j'ai des instructions. Avant de faire l'amour, faire les ablutions. C'est comme ça, entre homme de peine et fille de joie. Elle m'a pris la quéquette, comme on prend l'attention. Et en voyant ma tête, elle m'a dit, fais pas attention. Depuis le temps que je fais ça, j'ai plus d'émotion. C'est un peu comme si je vissais le même boulon tout au long de mes semaines, au fil des mois. Elle m'a pris la quéquette comme on prend n'importe quoi. Et en regardant sa tête, j'y ai dit, ben c'est pas la joie. J'y ai dit, l'amour ça t'étouffe pas. J'y ai dit, la joie tu connais pas ça. Bien que je sois homme de peine et toi fille de joie. Je lui ai pris la main, elle a pris un air chagrin. J'ai voulu l'embrasser mais elle ne m'a pas laissé. C'est le règlement de Monsieur Fabrice. Faut pas garder de traces des amours qui passent entre nos lèvres et nos bras, entre nos cuisses. Je lui ai pris la taille, elle m'a dit, mon vieux, tu dérailles. J'y ai dit, viens chez moi. Elle m'a dit, non mais ça va pas. J'y ai dit, t'occupe pas, car je m'aperçois que je ne pourrais pas faire l'amour comme ça. Alors viens donc prendre un pot, il fait si chaud. Le grand Fabrice est venu, il a dit, qu'est-ce que tu fous là. Retourne dans la rue, je te paie pas pour boire des coca. Et se tournant vers moi, il m'a dit, mon gars, ne t'amuse pas à ce petit jeu-là. Reste à ta place d'homme de peine et elle, fille de joie. Et je n'ai rien su dire, et je n'ai rien su faire. Mais ce que j'ai pu souffrir de ne pas avoir de revolver. Et depuis ce jour-là, je garde avec moi une honte pas qui me fait dire de moi que je ne vaux pas la peine d'une fille de joie. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.